Gilets jaunes. Question pour ceux qui cherchent des alliances. C'est un texte paru sur le site de Carbure, carbureblog.com, le 27 novembre 2018. Le comité Adama appelle à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes le samedi 1er décembre à Paris, en se joignant au cortège des cheminots Gare Saint-Lazare avant d'aller aux Champs-Élysées. On trouvera en lien sur le site une interview de Youssef Brakni, le porte-parole du comité, qui s'explique sur ce choix. On aimerait bien y croire dans la capacité des choses à être autre chose que ce qu'elles sont. Oui, mais s'il est évident que les quartiers ont tout à faire dans une insurrection populaire contre la misère, comment se fait-il que jusqu'à présent, ils aient été absents de ce mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre passer une alliance avec un mouvement et simplement considérer que, de droit, on en fait partie? Est-ce qu'on peut passer une alliance avec quelque chose comme une coquille vide? Est-ce qu'on peut s'allier avec quelque chose qu'on va définir soi-même, c'est-à-dire avec quelque chose qu'on ignore? Est-ce qu'on peut s'allier sans avoir fait le point sur ce qui nous oppose à ceux avec qui on s'allie? Est-ce qu'on peut s'allier sans savoir si l'autre souhaite s'allier aussi? Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes ne dit rien, que ce soit par ses mots ou par ses actes? Est-ce qu'il est vraiment une coquille vide qui attend d'être remplie? Pourquoi a-t-on une oreille ouverte sur le social et l'autre fermée sur le racisme, comme si c'était des choses différentes, comme si ces discours sortaient de bouches différentes? Est-ce que le social est un discours politique et pas le racisme? Est-ce que l'extrême droite ne peut pas avoir un discours social qui impliquerait le racisme? Est-ce que le social, c'est seulement la gauche? Est-ce que le racisme, c'est juste un réflexe de petits blancs débiles ou est-ce que ça peut orienter des politiques? Est-ce que quand on est noir ou arabe, en France, on a seulement des problèmes avec le racisme ou est-ce que ça implique une position sociale particulière? Est-ce que les Blancs ont intérêt à ce que le racisme existe ou est-ce que le racisme existe malgré eux? Est-ce que ce mouvement est un mouvement d'intérimaires, de chômeurs et de bénéficiaires du RSA ou de petits patrons, d'auto-entrepreneurs, de commerçants et d'artisans? Ou des deux? Et si oui, quel lien et quelle alliance entre les deux? Est-ce que la France blanche d'en bas serait légitime si elle n'était composée que de chômeurs, RSAistes, travailleurs précaires, etc.? Est-ce qu'il faut travailler pour avoir le droit d'être français? Est-ce que le fait d'avoir du mal à remplir son frigo pour nourrir ses enfants, c'est la même chose que critiquer la hausse des taxes et de la CSG? Est-ce qu'on a un problème avec la CSG quand on n'est pas imposable? Est-ce que tout le monde a les moyens de se payer une voiture ou une moto? Est-ce que baisser les taxes sur la propriété foncière va fatalement entraîner une baisse des loyers? Est-ce qu'on peut à la fois augmenter le SMIC et les minima sociaux et baisser les charges patronales? Est-ce que la France blanche d'en bas et les quartiers peuvent s'allier sans mettre ces questions sur la table, quitte à se foutre sur la gueule? Est-ce que la France blanche d'en bas se sent plus proche des petits patrons qui râlent sur le prix du gasoil ou des habitants des quartiers? Est-ce que les gilets jaunes, ça n'est pas déjà une alliance entre pauvres et moins pauvres? Entre ceux qui ont du mal à remplir leur frigo et ceux qui aimeraient partir plus souvent en vacances? Entre ceux qui gagnent 2000 euros par mois et ceux qui sont au SMIC ou en dessous? Et qui va sortir gagnant de cette alliance? Est-ce que la lutte des classes, c'est seulement entre le peuple et le pouvoir? Est-ce que l'interclassisme, ça n'est pas aussi une lutte des classes dans leur alliance même? Est-ce que le problème, c'est Macron? Est-ce qu'il faut dégager Macron et refaire des élections? Et dans ce cas, qui sera élu à sa place? Est-ce que les quartiers populaires ont quelque chose à y gagner? Est-ce que la France blanche d'en bas a quelque chose à y gagner? Est-ce que les plus pauvres ont quelque chose à y gagner? Pourquoi, quand les quartiers manifestent leur colère, il y a couvre-feu, alors que, quand la France blanche d'en bas le fait, elle est reçue dans les ministères? Est-ce qu'on n'a jamais demandé aux émeutiers et émeutières de 2005 de se choisir des représentants? Est-ce qu'il y a seulement, entre les quartiers et la France blanche d'en bas, de l'incompréhension et de vagues préjugés hérités de la colonisation? Pourquoi envoie-t-on l'armée à La Réunion et pas sur les barrages en Corrèze? Pourquoi, en 2016, Fillon appelait à interdire les manifestations et pas maintenant? Est-ce qu'on n'entend pas tout de même la France blanche d'en bas dire qu'elle a un droit légitime en tant que vrai peuple français à être mieux traité que la France des quartiers, que les migrants, etc.? Est-ce que, quand des gilets jaunes menacent un patron parce qu'il embauche des étrangers, ça ne veut rien dire politiquement? Est-ce que c'est du racisme ou du protectionnisme? Est-ce que ça peut être les deux? Et si oui, quel est le lien? Est-ce que n'existe pas un discours qui oppose ceux qui travaillent et ceux qui profitent et grattent les allocs? Est-ce que ce discours ne vise pas explicitement les quartiers et les racisés en général? Est-ce que ce discours est d'extrême droite pour ceux qui le tiennent? Est-ce qu'il n'est pas aussi tenu à gauche, de manière de plus en plus répétée? Est-ce qu'on peut vraiment passer sur tout ça au nom d'une alliance populaire? Dans la mesure où ce discours est transversal à la droite et à la gauche, est-ce que il n'est pas lui-même une alliance? Est-ce qu'il faut ouvrir une lutte autour de la qualification populaire pour savoir qui y a droit Et ce qu'elle recouvre au juste? Est-ce que les quartiers sont populaires? Est-ce qu'ils représentent légitimement le peuple français? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le peuple français? Et qui est-ce qui décide de ce qui est populaire et de ce qui ne l'est pas? Qui est-ce qui décide de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas? Est-ce que les quartiers peuvent vraiment obtenir cette légitimité que tout le monde leur refuse et que la société dans son ensemble accorde d'emblée à la France blanche d'en bas? C'est quoi alors le peuple, si les quartiers n'en font pas tout à fait partie? Etc. Etc. Rendez-vous samedi 1er décembre, gare Saint-Lazare, pour commencer à poser ces questions, peut-être à entrevoir quelques réponses. Voilà, c'était un texte excellent, j'avoue. Premier que je lis aussi complet sur le sujet des Gilets jaunes. Il est paru sur le blog de Carbure, carbureblog.com, en ce 27 novembre 2018.